Jean-Serge, à Poubila, toi, c'est ça. Nazala, qui n'a ni non, n'a béa. Et dans ces lions, pas mélopandi. Matine des lions, beauté. Nazala, qui n'a tantina, n'a maya. N'a lobby, tantina, n'a kei pari. Kota, la Jean-Serge. Il a trois sœurs. La Zala qui n'a ni non n'a béa. Et dans ses lions, pas mélopandi. La team des lions, beauté. La Zala qui n'a tantina n'a maya. N'a lobby tantina n'a kei pari. Kota la Jean-Serge. Et sous moi n'a ya maman d'elle. Yon passe par un ponantie. Quoique ni sa mingite en dieu. Zamba Congo a combatté la yo. Oh, Colomba yeli Camboyo. Gaïta tina na kole la ye. A kozoka de mon colonie. Beba batu banzali na mokuya. A koyan de mon colonie. Kaleto tindi a pesa yembote. La musique n'a pas de frontière. Congo Kinshasa bako yambaye. Et sous mon aïe mama Adele. Yon passe par un ponantie. Kokani sa mingite odie. Zamba Congo a kobate la yo. Oh, kono baye li kamboyo. Gaita tina na kole la ye. Ako zonga de mokolo ninye. Beba batu bazali na mokuya. Passe par un ponantie. Kokani sa mingite odie. Zamba Congo a kobate la yo.